L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Want you anyway, mais si je vous veux, et d'ailleurs je suis très heureux de vous retrouver ce mardi soir à 19h, soyez les bienvenus mes petits loups. Vous êtes bien sur Osmose Radio et c'est votre playlist Rock and New Wave qui commence, avec pour démarrer en trompe ce morceau de Placebo sur l'album Black Market Music sorti en 2000, c'était le titre Days Before You Came. Placebo, un groupe qui à l'époque ramenait un petit peu l'influence glam sur la scène rock à la fin des années 90, et avec ce titre donc Days Before You Came, qui se traduit littéralement par Les jours avant que tu viens. Bah, les jours avant que tu viens, c'est assez différent des jours après que tu partes, puisque avant que tu viens on s'en fout, on te connaît pas, puis après que tu partes, ben tu manques un peu. Et ben justement c'est le cas de David Bowie. Hier matin j'ai appris, la dépêche est tombée à 8h du matin lundi 11 janvier. David Bowie donc est décédé, nous a quitté. Le Thin White Duke, l'homme aux 1000 visages ou aux 100 visages, peu importe, en tout cas ce gars là que on avait tellement l'habitude de voir ici et là, qui nous paraissait éternel, bien finalement a cédé à la Camarde une dernière fois. J'ai envie de dire, du coup ce soir, eh bien, j'ai envie de consacrer la playlist à ce chanteur-là. C'est pas très original, hein, ça fait 48 heures qu'on vous rabâche David Bowie, mais bon, vous me pardonnerez, j'en suis sûr, puisque vous partagez cet intérêt avec moi. Et du coup, ben, donc cette nouvelle, hier matin à 8h, un petit peu venu jouer les troubles fêtes dans mon petit déjeuner. Ben justement, c'est avec un groupe qui s'appelle Troubles Fêtes qu'on va continuer, avec un titre qui vous rappellera une bonne vieille époque, tout de suite, Rebel Rebel, parce qu'on est comme ça sur Osmose Radio. We love bands. Ce soir, je serai le rebelle pour aller danser. Ah ben non, désolé mon gars, tu es plus de ce monde. Et c'est bien dommage d'ailleurs, et c'est triste pour la plupart des gens qui ont appris ça. Donc hier matin, on a appris, donc la dépêche est tombée à 8h du matin, que David Bowie était décédé la veille des suites d'un cancer qu'il combattait depuis quelques mois. Et donc après Lemmy Kilmister il y a quelques temps, après Michel Delpech, après pour ceux qui apprécient, et donc là jamais 203, David Bowie, eh bien j'ai comme on m'a dit l'autre jour, ce serait bien que le cancer s'en prenne aux djihadistes, ça nous changerait un petit peu. Bref, quoi qu'il en soit, donc encore une autre gloire du rock qui s'est barrée il y a quelques temps. Du coup j'ai changé mes projets un petit peu au dernier moment. Ce soir j'avais prévu de vous faire ma traditionnelle playlist consacrée à la Russie dans l'heure du loup, ma playlist consacrée à l'occasion du nouvel an orthodoxe qui se passe toujours à la mi-janvier. Je fais une playlist thématique sur la Russie et les pays de l'Est en règle générale. Je la ferai la semaine prochaine finalement parce que l'actualité oblige. J'avais envie quand même de faire un clin d'œil dans l'émission à ce grand artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui de toute façon ne laisse pas indifférent et qui a eu une influence au cours de quasiment un demi-siècle de carrière, une influence et une pérennité tellement vaste que de toute façon, quand bien même on serait pas un grand fan de son œuvre, eh bien, il nous aurait touché de toute façon par tous les domaines culturels auxquels il a collaboré, a été associé de manières diverses et variées. Donc, faire l'impasse sur David Bowie, de toute manière, c'est assez difficile, même si je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas accrocher soit au personnage, soit à ce qu'il a fait. Et donc, bah écoutez, là, on vient d'écouter un extrait, une reprise en fait par un groupe post-punk du nord de la France que j'aime bien, qui s'appelle Trouble Fête, et qui donc reprenait ce titre, Rebelle, Rebelle, sur une compilation qui était sortie il y a 5 ou 6 ans, une compilation de groupes français, notamment, qui reprenait des morceaux de la grande époque du glam rock, donc dans la première moitié des années 70. La compilation s'appelait Death to Glitter, elle est en libre téléchargement, donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien sur le Facebook de L'Heure du Loup. Et le morceau original, lui, par contre, était sorti sur l'album Diamond Dogs en 1974. Alors, David Bowie, il y a des milliards d'anecdotes à citer sur ce gars-là. Évidemment, je vais essayer, ça va être très dur pour moi ce soir de fermer ma grande bouche et de pas parler des plombes pour vous parler justement de toutes les anecdotes sympas qu'il y aurait à, sympa ou moins sympa d'ailleurs, qu'il y aurait à raconter sur ce garçon-là, hein. Et pourtant, il y en a une quand même qui est assez célèbre, c'est qu'il aurait les yeux verrons, c'est-à-dire les yeux de deux couleurs différentes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour l'anecdote, David Bowie, quand il était ado dans la cour de l'école, s'était battu et s'était pris un pain dans la gueule, pour résumer ainsi. De sorte que, une fois arrivé chez le toubib, il avait un œil qui était en mydriase permanente, c'est-à-dire que la pupille était totalement dilatée, de sorte qu'on voyait pas son iris. Et ainsi, les gens avaient l'impression qu'il avait les yeux de couleurs différentes, deux iris de couleurs différentes, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est simplement que, à cause d'un choc violent dans son enfance, eh bien du coup, il en a gardé les séquelles et donc ce regard un petit peu qui peut mettre un petit peu mal à l'aise, un petit peu bizarre. Mais il n'y avait pas que ça qui était bizarre chez ce garçon. Voilà, voilà. Et du coup, est-ce que c'est pour ça qu'à l'époque de Diamond Dogs, parce que David Bowie travaillait beaucoup ses looks au fur et à mesure des albums et des concepts qui les suivaient, à l'album de Diamond Dogs, donc pour le coup, il avait un bandeau sur l'œil quand il interprétait, notamment dans le clip que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur internet assez facilement, Rebelle, Rebelle. Donc il avait ce fameux bandeau, les cheveux rouges, les platform boots, tout ça, évidemment, des paillettes un petit peu partout, parce que dans les années 70, c'était la tendance. David Bowie qui précédait en général les tendances, mais qui savait s'y inscrire aussi pour mieux rebondir dessus. Et bien David Bowie, puisque dans l'émission, dans l'heure du loup, je vous parle beaucoup de style de la fin des années 70, le post-punk, la new wave notamment, et un petit peu de rock gothique aussi, et bien indirectement David Bowie, bien qu'il n'y était jamais tout à fait associé, a beaucoup influencé la naissance de ce style musical-là en particulier. J'en veux pour preuve l'influence que Peter Murphy, le chanteur du groupe Bauhaus, revendique de David Bowie, notamment quand au début des années 80, dans une session sur la BBC, il reprenait en fait un classique de David Bowie qui était sorti 10 ans auparavant, Ziggy Stardust, dont je vous propose d'écouter la version de Peter Murphy et de Bauhaus tout de suite.

un extrait, vous l'aurez reconnu évidemment, du fameux film Trainspotting qui était sorti il y a une vingtaine d'années avec Renton, et donc ce monologue Choisir la vie, hein, qui était notamment qui était récité sur une musique que vous connaissez forcément, Lust for Life, un des plus grands succès d'Iggy Pop, qui était sorti sur l'album du même nom, Lust for Life, en 1977 si ma mémoire est bonne. Et c'était enchaîné juste avant avec Elden, qui était les versions chantées en anglais et en allemand du fameux titre Heroes. J'hésitais à vous ramener la version de David Guetta, mais je me suis dit qu'il y en a qui n'allaient pas apprécier ce genre d'humour, et du coup, comme je suis pas téméraire et que je tiens à la vie, je voulais pas vous vexer, chers amis, qui peut-être parmi vous aimaient beaucoup David Bowie. Et enfin, donc avant ça, c'était enchaîné avec un premier morceau, donc Bauhaus, c'est une reprise de par Peter Murphy et ses collègues du groupe Bauhaus, d'un titre qui était sorti 10 ans auparavant, 1972, Ziggy Stardust, sur l'album Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un concept album de David Bowie sorti en 1972 et que 10 ans plus tard, Peter Murphy reprenait dans une version enregistrée à la radio britannique avec les membres de Bauhaus. Donc David Bowie ne le savait pas à l'époque, mais il a été une influence majeure de la naissance et de l'éclosion et de l'épanouissement du mouvement du rock gothique. Voilà pour l'anecdote. Et donc cette période du glam rock aura été notamment fondatrice pour ce genre de musique-là, curieusement. Des musiques avec des looks à paillettes, etc., qui servent de référence à des gens habillés tout en noir, à des corbeaux qui écoutent des musiques sombres. On aurait pu, ça peut paraître difficile à croire, et c'est pourtant bel et bien la vérité. Ensuite, donc on a écouté Elden, et ensuite un petit extrait du film Trainspotting avec cette musique Lust for Life. Alors, ça peut vous paraître un petit peu incohérent que j'ai enchaîné ces trois-là, mais en fait, c'est parce que s'il ne s'agit pas pour moi ce soir de vous faire un historique de David Bowie, hein, en une heure, c'est pas possible. Ça mériterait plusieurs émissions et j'ai absolument pas envie de faire ça comme ça et de bâcler les choses pour un artiste qui mérite quand même beaucoup mieux que ça. Mais quand même, je tenais à faire un petit éclairage comme ça sur cette période berlinoise de David Bowie, une période où il s'était donc exilé dans la capitale allemande, qui à l'époque était séparée en deux à cause du mur, rappelons-le. Et ensuite, il a fait une trilogie là-bas, sa trilogie berlinoise, avec trois albums qui sont sortis dans la seconde moitié des années 70, Lodger, Low et Heroes, dont on vient d'écouter le morceau phare à l'instant, qui était chanté et en anglais et en allemand. Faut savoir qu'à l'époque, David Bowie, pour des raisons de label, de production et de marketing, enregistrait certaines de ses chansons dans des langues qui n'étaient pas la sienne. C'est pas forcément lui qui faisait la traduction. Alors là, il semble que pour la chanter en allemand, c'est lui qui ait eu la volonté de faire ça. Mais il y a une anecdote, notamment, que je trouve assez marrante, c'est que il y avait une de ses chansons, pas Heroes en l'occurrence, mais une, j'essaierai de la retrouver, le cas échéant, une de ses chansons, pour lesquels il y avait une traduction en italien. C'est pas lui qui l'avait faite, puisqu'il ne parle pas italien. Et du coup, quand il avait demandé le sens des paroles, il s'est aperçu que c'était pas du tout son texte original, quoi. Le traducteur qui avait été donc mandaté par le label, avec lequel il avait signé, avait pris des libertés avec le texte de Bowie, que ce soit pour des raisons pratiques de rime, etc., ou que ce soit pour des raisons personnelles. Et du coup, il s'est aperçu, David Bowie, qu'en fait, le texte assez sombre qu'il avait écrit à l'origine pour sa chanson, s'était retrouvé traduit en italien, une histoire de petites fleurs sur la montagne, etc., quoi. Il a fait un peu la gueule, j'aime autant vous dire. Mais bon, voilà, comme quoi, David Bowie, ben pour le coup, quand il chantait en italien, ça faisait un petit peu comme Joe Dassin, quoi. Là-haut sur la colline, zaï, zaï, zaï, zaï, tout ça, quoi. Bref, voilà. Et pour en revenir à David Bowie, à cette période berlinoise, et notamment, il s'était exilé dans la capitale allemande avec Iggy Pop, parce que si David Bowie est un compositeur de talent, un acteur, on aura l'occasion d'y revenir, s'il est très intéressé par le concept d'art total qu'il a appliqué notamment en musique, eh bien il a joué aussi un rôle dans la carrière d'autres musiciens, et Iggy Pop est l'exemple type pour le coup, puisque au mi-temps des années 70, après la séparation définitive des Stooges, Iggy Pop était une locumène, et c'est David Bowie qui l'a pris par la peau du cul, qui l'a emmené avec lui et qui l'a aidé à produire ses deux meilleurs albums sans doute, donc dont celui-là, Lust for Life, dont on vient d'écouter un extrait. Voilà, donc Iggy Pop, David Bowie, tous les deux étaient nés en 1947, donc Iggy Pop, ça a dû lui faire drôle quand il a appris ça hier, la nouvelle du décès de son comparse, avec lequel ils se sont pas mal engueulés, mais ils ont quand même fait de très bonnes choses. Voilà, je disais, il n'est pas question pour moi ce soir de faire un historique de David Bowie. Mais comme je le disais en introduction de cette émission, c'est un artiste qui a beaucoup compté pour chacun d'entre nous, même si on n'adhère pas forcément à ce qu'il a fait. Parce qu'il a touché à pas mal de domaines culturels. Comme je l'ai dit, il a été acteur, il s'est intéressé au théâtre, il a fait de la poésie, il a écrit pour d'autres, il a produit pour d'autres. Même si on a aussi produit pour lui, il faut reconnaître que son producteur, Tony Visconti, a eu une influence assez majeure sur le son David Bowie, puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant quasiment 40 ans. Mais ça, c'est un détail sur lequel je ne vais pas me tarder. Par contre, on a tous un ressenti, on a tous eu des impressions par rapport à l'univers de cet homme-là. Comme je disais, c'est un univers tellement vaste qu'il y a même des actes de notre vie, des souvenirs ou même voir des trucs du quotidien qui sont attachés à David Bowie. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais commencer par vous parler de mon ressenti par rapport à David Bowie et le fait, ne serait-ce que quand j'étais petit, qu'il me faisait peur. David Bowie, c'est vraiment un artiste que j'ai mis du temps à découvrir, parce que quand j'étais petit, son visage osseux, quoique gracieux, mais quand même maigre, le blondiné aux yeux froids, etc., il m'impressionnait, il me faisait peur. Il me faisait penser à JR, quoi, dans la série Dallas, vous voyez, dans les années 80, j'avais 7-8 ans, et du coup, voilà, pour moi, JR, David Bowie, même combat, il me faisait peur et j'avais pas envie de les voir. C'est très très con, hein, ce que je suis en train de dire, mais que voulez-vous, hein, j'étais petit. Donc, c'est jusqu'à la fin des années 90, finalement, je suis passé à côté de ce mec-là. En même temps, on peut pas me le reprocher, puisque les années 80, c'est pas sa période les plus intéressantes. Hein. Même les fans de Bowie reconnaissent que c'est pas cette période-là qu'il a fait les trucs les mieux. Mais quand même, David Bowie, il m'a fallu du temps pour le redécouvrir finalement, et ça s'est fait de manière un petit peu par hasard, pour ne rien vous cacher. C'était au Parc des Princes en 1997. J'y étais pour un festival et il y avait différents artistes, Placebo qu'on écoutait en introduction de cette émission notamment, et quelques autres pour lesquels j'étais venu. Et puis il y avait David Bowie dans le lot. Moi, j'étais pas venu spécialement pour lui, mais j'avais quand même discuté avec certains de ses fans qui étaient pas intégristes du tout pour le coup, et qui m'avait quand même conseillé tel ou tel album, etc. Et puis ensuite, quand il y a eu le concert, j'avoue, je me suis laissé séduire, quoi, par ce garçon sympathique, pas chaleureux, dans le sens où un Britannique est toujours un petit peu réservé, mais Britannique d'ailleurs, il avait sur scène sa redingote avec l'Union Jack dessus, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, David Bowie travaillait toujours beaucoup son look. Et voilà, donc c'est vrai que par le hasard de ce concert au Parc des Princes en 1997, j'ai eu l'occasion de redécouvrir David Bowie à l'occasion donc de l'album Earthling qu'il avait sorti la même année, et dont je vous propose d'écouter un extrait qu'il interprète avec le musicien américain Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails. C'est un groupe de musique industrielle, une reprise donc un petit peu plus mécanique de ce titre qui était sorti en 97, I'm Afraid of American. In America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Johnny wants a brain. Johnny wants to suck on a coke. Johnny wants a woman. Johnny wants to think of a joke. Johnny's in America. Americans. Jill is in America, Johnny looks up at the stars. Johnny combs his hair and Johnny wants to see in cars. Jill is in America. Of the world, I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. Yeah, I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. Imaginez l'enfant illégitime de Lemmy Kilmister et David Bowie qui nous ont quittés à quelques jours d'intervalle. Eh bien, il fallait y penser et donc ça a été fait sur Internet. C'est sorti pas plus tard que ce matin ou ce midi. Quelqu'un donc a fait un mash-up, c'est-à-dire un mix entre deux titres différents qui n'ont a priori n'ont rien à voir. Et donc Lemmy Kilmister, le fameux chanteur du groupe Motorhead avec leur titre phare Ace of Spades, qui était donc mélangé, mixé, associé à un autre titre phare de David Bowie, celui-là. là. C'était donc évidemment Let's Dance qui était sorti en 1983, je crois, et qui est un des morceaux, les deux des morceaux les plus connus de ces artistes respectifs, donc qui nous ont quittés tout récemment. Et évidemment, il fallait que quelqu'un le fasse. C'était plutôt bien trouvé, même si ça peut surprendre évidemment au niveau du résultat. Et ben, Lemmy Kilmister, David Bowie, dont un des premiers avatars a été Ziggy Stardust. Forcément, ça donne Lemmy Stardust avec le titre Ace of Dance, Ace of Spades, Let's Dance, etc., etc. C'était avant ça, donc, une autre collaboration, mais du vivant de David Bowie. Celle-là, c'était David Bowie et Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails, dans une version un petit peu retouchée de I'm Afraid of American, qui était sorti en 1987 sur l'album Earthling. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, les amis. Il est déjà 8h moins le quart. Aïe. Et j'ai encore envie de vous dire des tas de choses sur David Bowie. David Bowie, donc, qui est au cœur de la playlist ce soir. Rapport à l'actualité, triste actualité qu'on a appris hier. Et donc, j'ai fait péter ma playlist consacrée à la scène rock de Russie et d'Europe de l'Est, et je la ferai la semaine prochaine si vous nous rejoignez sur Osmose Radio. Et soyez les bienvenus, vous êtes dans l'heure du loop. On a encore quelques minutes consacrées à ce grand artiste qui nous a quitté il y a peu de temps. Pour le coup, je vous disais donc qu'il n'était pas question pour moi ce soir de faire un historique de ce gars-là, mais qu'on allait plutôt parler des manières dont il a compté dans nos vies. À chacun. Et donc moi, je viens de vous donner un petit exemple en ce qui me concerne. Bon, j'aurais pu vous en donner un autre par rapport à une des amoureuses que j'ai eues et ce qu'on faisait avec la musique de David Bowie, mais bon, ce serait un petit peu offenser la décence, et puis il y a peut-être des enfants qui écoutent cette émission, donc je ne le dirai pas. Mais par contre, pour vous aussi, peut-être qu'il y a eu des exemples. Et je disais des exemples qui sont associés à nos souvenirs, mais aussi des exemples du quotidien. Par exemple, des fois, il nous arrive tous de dire « bizarre, vous avez dit bizarre », etc. Puis on pense pas forcément à Louis Jouvet qui disait ça dans un film il y a plusieurs dizaines d'années. On peut dire, comme dans le sketch des Inconnus, « vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde », c'est quasiment passé dans le langage courant, ce genre de délire. Il nous arrive aussi de dire « Houston, on a un problème », en pensant évidemment aux astronautes de la mission Apollo 13 qui avaient dit ça, et donc c'est resté dans les annales. Et puis évidemment, parfois, on peut dire « Ground Control to Major Tom », puisque parfois, dans des situations, on peut être amené à dire ça pour déconner, pour ceux qui sont évidemment ont la culture de la musique de David Bowie, mais c'est vraiment une expression que j'ai entendue, ou que moi-même, j'ai sortie à cette occasion. Et du coup, pour l'émission ce soir, j'avais lancé sur les réseaux sociaux si vous aviez envie de proposer chacun, chers amis, un titre pour la playlist de ce soir. Vous avez été quelques-uns à réagir. Et du coup, c'est Lucille qui a proposé ce soir un morceau qui lui tenait en particulier à cœur, Space Oddity, qui était sorti donc en 1969, en fait, au début de la carrière de David Bowie. Et Space Oddity, pour lequel il y a une anecdote assez sympa, c'est que David Bowie avait sorti cet album, ce morceau-là, en 1969, l'année où on a marché sur la Lune quand même. Et la BBC a diffusé le morceau à la radio, mais a attendu que Neil Armstrong et ses petits camarades reviennent sur Terre pour passer le morceau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les paroles composées écrites par David Bowie pour ce morceau qu'il avait composé, les astronautes restent en l'air. Et en fait, c'est pas tant une histoire d'astronautes qu'une histoire de camé qui se fait un shoot. Et voilà, pour pas porter la poisse aux gens de la mission Apollo 11, la BBC avait passé le morceau après que Neil Armstrong et ses collègues soient revenus sur notre bonne vieille Terre. Voilà. Lucille avait suggéré ce morceau-là, c'est une excellente idée. Et donc, je vous propose Ground Control to Major Tom, comme disait David Bowie sur cette chanson. Et comme le disait aussi le colonel Chris Hadfield, qui avait chanté cette chanson dans la Station Spatiale Internationale, puisque c'est un spationaute canadien qui l'avait reprise. Et d'ailleurs, David Bowie avait applaudi, avait beaucoup aimé sa version pour le coup. Mais moi, je vous propose la version originale ce soir. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear.

Andy Warhol. Non, ce n'était pas lui qui chantait, mais c'était David Bowie qui chantait une chanson qui s'appelle Andy Warhol. C'était sur l'album Hunky Dory, qui était sorti en 1971. C'était enchaîné juste avant avec Space Oddity, une suggestion de Lucille pour la playlist de ce soir. C'était sorti sur l'album Love You Till Tuesday. Tuesday, ça veut dire mardi. Oh, c'est gentil ça. Moi aussi, je vous aime le mardi, mes petits loups. Mais les autres jours, vous pouvez crever. Hein. Donc, c'était un album qui était sorti en 1969. Vous avez été quelques-uns à jouer le jeu et à proposer des morceaux pour ce soir. Et c'est notamment le cas aussi pour ce morceau qu'on vient d'écouter, Andy Warhol. D'ailleurs, pour l'anecdote, David Bowie avait interprété au cinéma le personnage d'Andy Warhol dans un film pas terrible. D'ailleurs, un film consacré à Jean-Michel Basquiat. À mon avis, Bowie a été beaucoup plus convaincant dans d'autres rôles, notamment dans celui du Major Cellier, dans le fameux film de Nagisa Oshima, Furio, dans lequel il donne la réplique à Ryuichi Sakamoto, notamment un super film que je vous conseille de voir. Nagisa Oshima, c'est un peu le Bertrand Tavernier japonais. Bref, mais on n'est pas là pour parler de cinéma, et plutôt de musique, avec donc cet extrait d'un album sorti en 71, Andy Warhol, qui avait été proposé par Camille. Camille, une fille dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous avais fait écouter son projet musical Venin Carmin dans l'émission, une paire de fois, et pour l'émission de ce soir, elle avait suggéré ce morceau-là, Andy Warhol, d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et ce soir, je vous ai d'ailleurs pas ramené la version album, je vous ai ramené une version qu'il avait interprétée à la radio britannique à l'époque, justement. Voilà. Un autre garçon qui a joué le jeu ce soir en proposant un morceau, c'est Stéphane. Lui aussi, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de vous parler de son projet musical, The Real McCoy, un projet musical de pas très loin, en fait, des alentours d'Avignon, projet musical de rock sudiste, le stoner, comme on dit. Et il avait proposé donc un morceau pour revenir aux racines, hein, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ce fameux album qui a tellement marqué parce que c'était un concept album, c'est-à-dire un album avec un look associé, avec un concept associé. Je parle notamment du jeu de scène de David Bowie qui était beaucoup influencé par le théâtre de l'absurde, de Jean Genet, Antonin Artaud, tout ça, qui étaient autant d'auteurs qu'il avait lus, et aussi des influences qui viennent plutôt du Japon, notamment le Kabuki, qui est le théâtre de comédie japonais. Sur scène, c'était assez impressionnant parce qu'on n'avait jamais vu ça à l'époque. Et idem pour l'album Ziggy Stardust, puisque c'était l'histoire d'un extraterrestre qui venait sur Terre pour faire du rock'n'roll avec les Spiders from Mars. Mars, manifestement, une planète qui l'intéresse. Et je vous propose d'écouter ce soir un autre extrait de cet album. Album Moon Age Daydream. I'm a mama, papa coming for you. I'm the space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. We'll be right back. Moon Age Daydream, ceux qui rêvent en pleine journée, ceux qui sont un petit peu dans la lune, et bien spéciale dédicace à vous, hein, comme c'est peut-être le cas de Stéphane qui suggérait le morceau. Stéphane, pas moi, un autre. Je suis grave à la bourre, chers amis, ça arrive souvent hein, quand je parle de quelque chose d'intéressant, comme David Bowie qui nous a quitté récemment et auquel je tenais à faire un petit hommage quand même dans l'émission de ce soir. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sentira le Tokarev et les vapeurs de Tchernobyl et la vodka, pour une émission consacrée à la Russie. Je zappe l'agenda concert parce que je suis un petit peu à la bourre, mais je tiens quand même à vous signaler que dimanche après-midi à l'Arte Bar, il y a un événement auquel Osmose Radio est associé, c'est Échange Art. Vous aurez de la musique, vous aurez des artistes qui viendront présenter leurs créations, et aussi vous avez un bar, puisque c'est quand même un petit peu la vocation première du lieu. Voilà, donc à l'Arte Bar, dimanche après-midi. Chers amis, on va se quitter comme notre habitude avec quelque chose d'un petit peu décalé. J'avais envie de finir avec une reprise de David Bowie, puisqu'il a quand même donné lieu à pas mal de reprises de son travail, et souvent très intéressantes. C'est notamment le cas de ce qu'avait fait Jan Tiersen il y a une quinzaine d'années. Jan Tiersen qui, dans une session à la radio publique, à la Maison de la Radio à Paris, avait repris Life on Mars, qui était sorti sur l'album The Man Who Sold the World, je crois, à la fin des années 60. Un morceau de David Bowie qui reprenait avec Neil Hannon, un chanteur anglais, plus connu pour son pseudo qui est The Divine Comedy. Et donc voilà, ils reprenaient ensemble ce morceau-là, Life on Mars, avec lequel je vous propose de nous quitter. Les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lucille, Laurence et toutes les auditrices fidèles, chers amis. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt. Bisous. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked on a silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. It's in the best-selling show. Is alive on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Mjordkaff Broads. Rural Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times before. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh damn, wonder if he'll ever know. It's in the best-selling show. It's alive on Mars. Merci. Merci, Yann. plumage, comme les dauphins. Les dauphins savent nager, bien que rien. Nous quatre ensemble, nous les vaincrons, le vaincrons à jamais. On peut être héros pour juste une jeunesse.